Chapitre 199, les prières facultatives, sunna, liées au dhuhr. 1113. Ibn Omar, radiallahu anhuma, relate. J'avais l'habitude d'accomplir, tout comme le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, deux unités de prière avant le dhuhr et deux autres après. Al-Bukhari et Muslim. 1114. Selon Aïcha, radiallahu anha, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne manquait jamais d'accomplir quatre rak'at après la prière de midi, dhuhr. Al-Bukhari. 1115. Aïcha, radiallahu anha, rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de prier chez elle quatre unités de prière avant de sortir pour diriger la prière en commun du dhuhr. De retour chez elle, il en accomplissait deux autres. Il accomplissait également deux unités chez elle après avoir dirigé les prières du Maghrib et du Isha à la mosquée. Muslim. 1116. Habiba, radiallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Quiconque prend soin de toujours accomplir quatre raka'at avant le dhor et quatre après sera préservé de l'enfer par Allah. » Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 1117. Abdullah ibn Sa'ib, radiallahu anhu, relate que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de prier quatre unités de prière dès que le soleil commençait à décliner en quittant son zénith avant la prière en commun du dhuhr. Il disait, à cet instant, les portes du ciel s'ouvrent, et je tiens à ce que l'une de mes bonnes actions monte au ciel à ce moment précis. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 1118. Selon Aïcha, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'accomplissait pas quatre raka'at avant le dhuhr, il le faisait après celui-ci. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan.